boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. C'est bon que ce groupe, allez, ce soir, hommage aux grosses boîtes à rythme, aux basses envahissantes, aux voix caverneuses et au rythme noir de la Black Wave, vous connaissez? Eh ben écoute, si c'est pas le cas, ce soir dans Pop and Rock, on vous fait un festival des groupes de Andrew, de Yann et autres Peter Murphy. Vous avez compris, ce soir dans Pop and Rock, pas de tendresse, pas de pop, on va flâner du côté des Sisters, de Bauhaus, de Joy Division. Pour commencer, c'était donc un héritier de ces groupes, le Rémois de Raskolnikov, et on enchaîne tout de suite avec notre père à tous, le leader des Sisters, Andrew Rich, avec son morceau Nine Wild Nine. Too much, and I think you know. 919 des Sisters of Mercy, ça c'était en 85. Et d'ailleurs, Sisters est souvent considéré comme le groupe qui a inventé le gothique, le rock gothique, mais Andrew Elwich, le cerveau des Sisters, n'est pas vraiment d'accord, mais vous le savez, une réputation, ça échappe comme la vie s'est échappée de Ian Curtis, le chanteur de Joy Division, qui en 79 était déjà dans ce que j'appelle la Black Wave. Allez, troisième groupe pour ce soir donc, Ian Curtis et ses Joy Division, futur New Order, I Lost Control. I Lost Control de Joy Division. 4 ans plus tard, en 83, un groupe fan de David Bowie nous envoie pleine face le morceau Slice of Life, une tranche de vie du groupe de Peter Murphy, Bauhaus, connu aussi et surtout pour la reprise Ziggy Stardust de Bowie faite en 82. Mais pour le moment, on est en 83, on écoute Bauhaus, Slice of Life. At the side of my mind, so I opened it out to destroy what we thought was difference. So I lied to you once again, so I painted over you once again. once again, so I die before you. Once again, what's the difference? Seconds, baby boy, in burning white, white light. What's the difference? Tear up what you are, pull out these eyes, rip up this place and scream. I am your slice of life. I am your slice of life. I am your slice of life. I am your slice of life. This place and scream. I am your slice of life. I am your slice of life. I am your slice of life. I am your slice of life. And the car opening up to so much more. And the money is brighter with a wider smile. And the problem expands inside your head. I am your slice of life. I am your slice of life. I am your slice of life. I am your slice of life and life. Allez, parce que le trop n'est pas toujours l'ennemi du bien, on replonge dans les vagues froides des Noirs de Peter Murphy, second morceau de Bauhaus, La Gardijanik. spécial donc Black Wave ce soir dans Pop and Rock sur RVR. Allez, on a déjà écouté Raskolnikov, les Sisters of Mercy, Joy Division et Bauhaus déjà au rendez-vous. Un rendez-vous que je reconduis à mon bon plaisir puisqu'on va se faire un deuxième titre des Sisters. Le morceau s'appelle First and Last and Always. Plus de 30 ans de carrière, 4 albums au compteur et surtout beaucoup de concerts. Mais qui dit longue vie dit aussi split, dispute, réconciliation, resplit et apparition de nouveaux groupes. Wayne Hussey, membre actif des Sisters sur l'album éponyme du titre qu'on vient d'écouter, va décider de quitter les Sisters. Et juste pour l'emmerder, Andrew Edrich va signer des morceaux sous le nom de Sisterhood afin d'empêcher Wayne Hussey d'utiliser ce nom. Pas grave, Wayne Hussey forme The Mission UK avec les morceaux qui suivent. In the dark. Desert rats Merci à Wayne Osei et à son groupe The Mission qui... Bon allez, tant pis, je vais faire mon vieux combattant, mais pour moi, le groupe de Wayne Osei, c'est d'abord un concert incroyable de la fin des années 80 à la Bourse du Travail de Lyon. Jamais je n'avais vu une telle ambiance, une telle énergie dans cette belle salle de Lyon. Allez, stop pour la nostalgie, faisons un petit tour à la fin des années 2010 avec tout d'abord deux morceaux des Merciful Nuns qu'on enchaînera avec la Cold Wave plus légère de Human Tetris. The body of an alien being, a feeling deep inside, channeling electron. The god has set on me to shine, and I feel those cosmic ladders leading into another sphere. 12 strands of DNA code that disappear alone. And I walk out to the karma hell. And I see those hearts will be harrowing. The karma hell. into the deepest depths. Beyond the blackest sea, the darkness shrouds the fallen queen, never to be seen in the walled town deep. Eyes cold sleep, the current tracks the body down, lifeless eyes will see. So fed up with me, oh, don't try. En faisant cette émission, donc je l'aimais quand même, et c'est également une façon de rendre hommage à ce groupe qui vient de perdre un de leurs membres il y a quelques semaines. Le groupe s'appelle Kraftwerk. Le morceau, c'est Radioactivity. Into the environment. This channel. this in the end for you and me. Contaminated. Boy. On s'approche de la fin de ce spécial pop and rock consacré donc à la Black Wave, à la Cold Wave, et on va terminer avec des petits groupes français. Un premier groupe qui s'appelle Black Maria, qui dans les années 90 nous faisait ce petit truc qui s'appelait Les Traces. Je suis trouvé comme ça, et ça elle me l'avait dit. Oh mais pourquoi j'ai commencé à trembler? J'ai plus une Pop'n Rock se termine. On va se quitter avec un dernier morceau d'un album d'un groupe qu'on a écouté tout à l'heure en début d'émission, le groupe français de Reims, Raskolnikov. Dernier morceau pour la soirée de Black Wave, Cold Wave, Raskolnikov. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bisous à tous. Train. A so boring train.